think about you, baby. What a power. All the time. You got to give the power back. But every day it hurts to cry out. Best, but you know somebody got to steal. Not me. So many plans to grow. Nobody guides on the hills. Behind the biggest hills, there's a bigger one, and nobody knows like a Chinese wisdom. Body, to your body, she. Got it. Yeah. Voler baissé par une personne dans les rues, juste le vent qui se fait remarquer. Café, sinoche, tout le monde fermé. L'épaule fonde, le méridien brûle. Évitant la fréquence, nous fait du bien. Dans une sacrée bordel, les gens craquent. Je te dis, c'est pas qu'une étape. Règle numéro un, restez calme. Rule numéro uno. Stay calm. It's impossible. Mission. Could I find that I'm Thank you. Funny